Salut, c'est Alain Bachung sur CKRL. Ciao. Et c'était Rosaire de Roy avec Coconut Woman, Mathilda et Don Durham à ton homme. Non, c'était Don Durham tout seul. Pas de Serge Reggiani, mais de qui? Paco Roman? Non, c'est Don Durham. La métèque. Je suis errant de pâte grecque et mes cheveux moustaki. Oui, Don Durham à ton homme de moustaki. Et puis les corps célestes. Tony Truant, gigolo. Et quand il parle d'alcool, il fait fausse route parce que j'ai vécu quelques jours avec Tony Truant et croyez-moi, il porte bien l'alcool, hein? Il devient complètement mal dans le talon, mais dans le talon, dans le talon, dans le talon, dans le talon, dans le talon, dans le talon, dans le talon, dans le talon, dans le talon, dans le talon, dans crucifié, je te demande, attention là, en ce beau samedi, 9h02, je te demande, 21h02, excusez-moi, parce qu'ici c'est écrit 9h, mais il faut mettre 21h, 21h02, je demande à crucifier Tony Truant. Comment ça? Il a péché, il a dit dans une de ses paroles, dans une de ses chansons, qu'il était sobre comme un moineau. Sobre comme un moineau, oui. Mais le pit-pit ne pit-pitait plus. OK. Il désenchantait, dit-elle à son emprunteur. Tu me dois 40 balles, hein? Que fais-tu? Ben, si tu peux me redonner encore un quart de litre, moi, je te réitère que tu es mon meilleur copain. Crois-tu que je vais payer le cas? Non. Qu'allons donc danser maintenant? Oui, OK. C'est clair. C'est clair qu'on veut de l'eau de Jean Roche. Jean Arache, je connais bien Jean Arache. Vous en arrachez bien sûr. Alors, qui télécharge? Comment ça, Jean Arache? Ben, vous me dites Jean Arache, qui est un poète québécois. Oui? Vous en arrachez vous-même. Oui? Êtes-vous un Québec? Je suis un Québec. OK. Alors, vous êtes un Québec à vous seul. Je suis un Québec à moi seul. Oh, monsieur, vous êtes bourré de contradictions. Je suis bourré de contradictions. Qui télécharge mes émissions? La Gestapo, c'est-à-dire la police secrète dans tous les États, mais je crois en ce Québec libre. Et un autre malade, enfermez-le, dépompez-le, il va repomper. Là, ici, maintenant. Mais c'est vrai, hein? C'est le début d'un temps nouveau! Il est parti. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase. Là, je sens que des gens dans leur petit 2,5 minable avec leur fils, là. Ce monsieur-là, là, c'est un cinglé. Écoute-le pas. Il fait pas de la bonne radio. Papa, il est assez cohérent, puis il fait de la bonne radio, lui. Ben oui. Alors donc, à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et Nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. La première phrase de Monsieur Bukowski, c'est « Shirley cherchait la dernière bière qui pouvait encore se cacher dans cette minable chambre d'hôtel. » Ah oui, c'est ça, Shirley cherchait, plus qu'elle cherchait Aline pour qu'elle revienne. Parce qu'en plus, elle était pas juste à la bière. Et comment ça? Elle était pas juste à mon ami Charles. Voyons donc, pas à la bière, pas à Charles. Non, Shirley était à tout ce que tout lui tendait vers la vie. Vers la vie. Si tu continues à droite, là, ça c'est vers la vie. Si tu vas à gauche, ça c'est vers la mort. Et si tu continues tout droit, c'est vers l'insignifiance. Donc, la majorité vont vers tout droit. Mais il y en a qui choisissent de bifurquer, hein, vers la vie ou vers la mort. Mais normalement, mieux vaut aller vers la vie. Pourquoi? Ben, parce qu'on nous a dit ça, le gouvernement nous... si Pierre-Éliott Trudeau... Attends un peu, moi, dire quelque chose. On n'a pas le temps. Ben oui, on a le temps, on a le temps. On n'a pas dit... La... Non, non, non. Si Pierre-Éliott Trudeau... Parce que on doit... Premièrement, là, si même on est des Québécois, on se dit solidaire, Pierre-Éliott Trudeau fait quelque chose d'être super important. Comment ça? Super important. Dis-moi, moi, là. Ben, je vais te le dire, moi, là. Laisse-moi le temps. Il a légalisé. Oh mon Dieu, pas vrai. Il a pas légalisé quelque chose. Oui. Mais en fait, les gens avant lui, lorsqu'ils mettaient fin à leur jour. Ouais. Imaginez-vous que s'ils se rataient, là, ils allaient à l'encontre d'une loi pénale. Donc, ils devaient aller en cour. Ils étaient déjà finis, fichus. Finis, fichus, la boule est à l'envers. Oui, effectivement, fichus. Puis il devait aller en cours pour dire « Ah ouais, ben j'ai tenté de mettre fin à ma vie. Je suis un poète incompris. Je suis de la rive nord et je vais vers le sud, mais le soleil n'est pas au rendez-vous, quels que soient les diamètres que je me procure à travers mes écrits. » Oh, c'est beau ça, c'est qui? Mais c'est de personne, ça là. Et donc, Pierre-Éliott Trudeau a dit « On dédramatise. » Non, non, non, non, non. On enlève du code pénal le suicide. Alors au moins, quand tu te tentes et tu te manques, là, tu vas à l'hôpital, on essaie de te redire « Ah, la belle vie, que c'est beau, la vie! » Et puis là, tu sors et tu tentes de te frayer un chemin. On se tente souvent, oui. Je me suis rendu compte que j'ai dit « tenter » trois fois. Tente pas de le dire une autre fois! Non, jamais j'oserais. Mais Pierre-Éliott Trudeau, au moins, hein, a enlevé du code pénal le fait que le suicide était quelque chose de fou? Non, pas de fou, mais de pénal. Pénal, OK. Alors, pénal, Shirley. Ben, Shirley, c'est ça, là. Elle cherchait, puis elle trouvait rien, puis elle voulait mourir! Parce qu'elle trouvait rien? Parce qu'elle trouvait pas sa petite bière! Parce que? Ben, parce que Bykovski était là! Où? Ben, il était là au rendez-vous! Au rendez-vous? Ben, au rendez-vous de la dernière bière! C'est triste, ça? C'est très triste! Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Par enchantement, elle est apparue! Pas Jeannie, la fée? Non, non, non, non, non, la bière qui était cachée en dessous de son slip. Ah, mon Dieu! Où il avait placé son slip? Sur la table! Alors, donc, il était tout nu? Il était très... ben, moi, j'étais... qui était en position de comme Ève, l'autre, là. Le gars qui s'appelle Ève. L'ancien Ève. L'ancien Ève. Le mec de Ève. Le mec de Ève. Adam? Adam. Le mec de Ève, c'est Adam. Adam, Adam, Adam. Il avait la dent tranchée devant cette Ève. Mm-hmm. Alors, Shirley, c'est Ève. Shirley, c'est Ève. Puis Adam avait mis à l'intérieur de son soutif une bière. Miraculé, parce que il pouvait uniquement faire de la bière, lui, tandis que Jésus, c'était du vin. OK, Bykovski, c'est de la bière et Jésus, c'est du vin. Oui, oui, voilà. Alors donc, plus qu'elle elle relevait le soutif hein, de Bykovski, elle remettait ailleurs sur la table, elle buvait sa bière, il y avait une autre bière après qui l'attendait. Oh, mon Dieu, c'est miraculé. Oh, gloire à Bykovski, boire à la table. Oh, quelqu'un m'a demandé un sunshine. Ah, c'est pas vrai. On y va. À ce moment-ci de la soirée, j'aimerais vous présenter des musiciens. Oh, c'est le temps, oui. Des gars au bout. Au bout de tout. Ils sont joués à moi pour l'enregistrement de ce long jeu. Ce long jeu. Oh, c'est long, c'est long. C'est vrai, c'est des gros bouts. C'est des gros bouts. Oh, c'est juste c'est des gros bouts. Oh, je vous ai essayé, là. À la batterie. Vincent Marchessault. Oh, ça c'est un gros bout ça. On passe en là. Attends, non, j'ai pas descendu, c'est des gros bouts. Oh, ok, on y va avec Aquarius and let the sun shine in. Les cœurs, lâchez pas. On lâche pas la patate, mon Johnny. When the moon is in the seventh month, and Jupiter will on with Mars, then peace. Aquarius, Aquarius. I'm on the understanding, sympathy and trust abounding. No more forces or to reason, golden living dreams of vision. Mr. Crystal Revelation, and your mind to liberation. And Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets. The love which feels the disease of dying. Age of Aquarius, age of Aquarius, Aquarius. Du travail que je te fournis depuis 10 ans. Ben oui. Est-ce que t'as jamais eu à te plaindre de moi? Jamais. Est-ce que j'ai pas toujours fait mon devoir jusqu'au bout, même dans les conditions les plus difficiles? Oui. Tu te souviens de la petite chambre au début à Montréal? Le lit avait même pas de matelas. Je m'en souviens, sweet. T'as été formidable. J'en ai eu le dos marqué pendant un an, Desmond. Est-ce que je me suis jamais plainte? Non, jamais. On était pauvres, mais c'était le bon temps. C'est vrai que c'était le bon temps. C'était dur, mais on était heureux. Aujourd'hui, les temps ont changé, Desmond. On a formé une équipe. On a plus d'argent. La crise économique est presque finie. Pourtant, je suis pas heureuse. Je vieillis vite, Desmond. T'as seulement 27 ans. Dans notre métier, on prend pas sa retraite à 65 ans. On est devenus des automates. Des quoi? Des machines à faire de l'argent. Tu sais ce qui nous manque? La poésie. Poésie. On a perdu la poésie, Desmond. On n'est pas des poètes. Comment veux-tu que la maison marche si vous mettez tout à écrire des vers puis à faire du théâtre? On est à Bourne-Town, en Abitibi, dans une région misérable. On n'est pas à Hawaï. Justement! On est venu ici pour rendre les gens heureux, leur apporter un peu de bonheur. Qu'est-ce qu'on fait au lieu de ça? On les exploite! Ils payent pour leur bonheur. C'est normal. Ceux qui peuvent pas payer? Desmond, j'ai réfléchi. On va ouvrir une chambre gratuite. Hein? On va ouvrir une chambre gratuite dans la bibliothèque. Desmond, il faut qu'on donne le plaisir. Il faut qu'on le donne. Autrement, le métier fait plus de sens. J'en ai parlé aux filles. Elles sont toutes d'accord. Elles sont sept. Elles vont faire une journée par semaine. Jamais! Les gens n'ont rien compris. Je vais reprendre. Non, non, mais c'est vrai que les gens n'ont rien compris. C'est pas de leur faute. C'est toi qui n'as pas attendu en vous trouver. Alors, c'était Roseur de Roi, Aquarius, Les Corps Célestes et Tom Waits, I Don't Wanna Grow Up. Et je disais que CKRL était une radio audacieuse. La preuve, l'errance rénaldine, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels, parce que vous pouvez nous voir. C'est pas vrai. On a essayé de l'entendre. Oui. Oui. Mais vous pouvez voir comment fonctionne cette émission. Voyons donc. On le sait, nous, les rouages radiophoniques. Oui, mais les monologues, là, les improvisations, là, comment ça se monte, comment le mec se rentre dans son personnage. Il se rentre comment? Est-ce que c'est par... Premièrement, là, tous les enfants peuvent nous écouter? Ben oui, tous les enfants. Est-ce que ça se monte par devant ou par derrière? Partout. Par partouze. Ah, oh, mon Dieu. Nous, les partouzes, on connaît ça, hein? Dans les années 70! Ouais, mais c'est fini, ça. C'est pas même partouze. Cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons. Déshabillerons, oui, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Nous pigeons, as-tu le coffre? On a le coffre. Le coffre l'odeur que je mettrais mettre là ton doigt. Ce coffre l'odeur, le mot c'est insignifiant. Insignifiant. Ça monte facilement, insignifiant. Y en a-tu des insignifiants dans la société? Y en a-tu? Y en a! Arrête de me poser la question, tu me montres déjà. Est-ce que tu crois qu'il y en a, toi? Hein? Non? Y en a-tu? Ben oui, y en a! Y en a trop! Ce que mon doigt, déjà là, qui est à mon émission depuis 4 ans et demi, presque 5 ans, il me dit... Comment ça se fait de la radio? Comment ça se fait de la radio? C'est pas compliqué, là. Tu ouvres la pinouche, y'a deux pinouches, et c'est... La pinouche off, la pinouche on. Quand t'es off, t'es pas on. Ouais, c'est de l'anglais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on devrait dire ouvrir ou fermer, mais là, c'est on-off. Ça vient des États-Unis d'Amérique. On est noyés dans l'anglophone. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? On est des gens qui s'en vont vers l'anglophonie, de la langue, on s'en va! On s'en va comme le dernier train, on prend toujours un train pour quelque part. J'espère que ça sera pas vers l'anglophone parce que je veux rien savoir! On s'y... Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Y'en a-tu? Oui, y'en a! Il y en a des insignifiants. Dans l'avenue politique, il y en a plein. Dans l'avenue sociale, il y en a plein. Dans l'avenue intellectuelle, il y en a plein des insignifiants. Mais les insignifiants sont pas les mêmes pour tout le monde. Certains vont chérir. Ah, moi, j'adore ce mec. L'autre dit, hey, tu parles d'un insignifiant. Ça, c'est des points de vue. On doit respecter des points de vue. Alors, tu dis que si ce gars-là aime cette personne-là, pour toi, c'est pas la bonne direction. Coupe, les coupe, mon gars. Ça, là, c'est comme... Oh, ma fille, excuse-moi. C'est comme lorsque un enfant naît. As-tu déjà coupé le cordon au digital? Au digital, oui, ben non, moi, c'est avec des ciseaux. Oui, alors le cordon au médical. Oui, as-tu coupé ça? Oui, je l'ai coupé. Alors là, en coupant, qu'est-ce que tu croyais? Je me disais, j'espère que ça va couper, parce que j'avais des ciseaux qui ne tranchaient point. Ben, c'est ça. Ça devait être des ciseaux québécois, ils savent pas, hein? On s'en va-tu là, on s'en va-tu là, on s'en va-tu là, on s'en va-tu là? Hey! Tu mets des couteaux francophones, ça coupe, c'est du français, toute la ligne. Ah ouais, t'as-tu dit en coupant ça, j'espère que mon enfant deviendra un dramaturge, un poète? C'était pas mon enfant. Ben, voyons donc, qu'est-ce que c'est quoi, cette histoire-là? C'est une longue histoire, mais en tout cas, bref, oui, j'ai coupé le cordon. Et c'était pas ton enfant? Non. Bon, c'était ta sœur? Non plus. C'était ma copine, mon amoureuse. OK. Et t'étais pas le père? Je n'ai pas le père. Non, je ne suis pas le père. Et comment elle s'appelle? Ah ben écoute, c'est un nom tellement exceptionnel. j'ai contribué un peu à ce prénom-là et j'en suis heureux. Elle s'appelle Juliette. Oh, il est romantique. Roméo et Juliette. Oui, un peu. Mais aussi, lors d'un feu, on s'est dit, si on l'appelle, exemple, tout en A, Alexandra, les gens vont dire Alexandra. On n'a pas voulu, donc Juliette, ça laisse une ouverture. Oh, oui, monsieur. Oh, the one, the one, the one, the young. Ah, ouais, ah, c'est vrai, t'as entièrement raison. Faut penser à la consonance. C'est con, mais faut penser à la consonance. Oui. Tout ce qui est con. Et consonance. Oui, des fois, ça. Non, ça n'amène pas beaucoup. Non, non, non. Des fois, là, il n'y a pas beaucoup d'écho. Oh, et puis Gilbert, on prend toujours un train pour quelque part. Quelqu'un demande un incendie à Rio. Oh, attends, l'incendie à Rio. Oh, oui, oui, oui, oui, oui, on y va. Ah, okay. Les pompiers. Les pompiers, non, l'incendie à Rio, on y va. Oh, attention, tout le monde ensemble. La pompe en l'air, madame Tremblay. Non, madame, monsieur Thibodeau, la pompe en l'air, s'il vous plaît. Attention. En pleine nuit, une sirène. Sirène. Oh, après, on peut tous les pompiers. C'est les pompiers qui se réveillent. Et tout Rio qui se réveille. Voit brûler l'usine de café. Il n'y a pas de temps à perdre. Si dans le quartier va brûler. Papa, papa, oui, mais voilà. Pour l'instant, là, à la caserne. Les pompiers crient. Les pompiers crient, attention. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Sont où les tuyaux? Hey, où les tuyaux? Les lancer la grande échelle. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Pas de panique, il nous les faut. Mais la balle en son différage. Déchirer les trous noirs de fumée. Et tous les gens dans les étages se disent, mais que font les pompiers? Il n'y a pas de temps à perdre. Dis donc, le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Les lancer la grande échelle, wow! Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Pas de panique, tu nous les prends. Au petit matin, on le devine. Le quartier a même brûlé. Il ne restait plus que des ruines sur des centaines de mètres carrés. Comme tout à coup dans le jour blême, on vit arriver un pompier qui s'écria de la porte du capitaine, vous dire de pas vous énerver. On a trouvé les tuyaux, les lancer la grande échelle. Mais on est en face de nous. Et on cherche la manivelle. La la la la la la la. La la la la la la la. La la la la la la la. Wow. La la la la la la la. Encore. La la la la. Jamais tu brises toute mon organisation. Tu vois la foule qui attend en porte une queue jusqu'à l'église? Jamais! Bon. Rosemary est d'accord, elle aussi. Où est-elle? Sweetie, où est-elle? Je t'ordonne de me dire où elle est! Bon. C'est d'accord pour la chambre gratuite. J'ai un cœur, moi aussi. Hey! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Qu'est-ce que je fais, M. Desmond? T'es parlé. T'as pas honte de profiter d'une jeune fille innocente? Hein? Sais-tu que si t'étais pas un bon garçon, ça pourrait te coûter 10 ans de prison? 10 ans, ça te dit rien? Hein? Une petite fille de cet âge-là, avec un gars comme toi. L'huile ne remplacera jamais le charbon, Lorenzo. Puis les roues de bois, jamais. Ça sert à rien de crier, Rosemary. Les murs sont à l'épreuve du son. On peut peut-être creuser un tunnel? T'as lieu trop de romans. Assis-toi, puis reste tranquille. Mais sweetie, on peut pas rester là, rien faire. Faut faire quelque chose. On va tricoter, chère. Ça défoule.